Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 166. De l'amour de l'étude ou du désir de savoir. Objet de l'amour de l'étude. Rapport de cet amour avec la tempérance. 1. L'amour de l'étude a-t-il pour objet la connaissance? L'étude est l'application de l'esprit à quelque chose. La vertu qui nous y porte a pour objet principal la connaissance de la vérité, et pour objet secondaire la direction des actions. Tel est le sens de ces paroles, mon fils, étudiez la sagesse. Proverbe 27, 11. 2. L'amour de l'étude appartient-il à la tempérance? L'amour de l'étude fait partie de la tempérance, dont l'objet est de modérer toutes les convoitises de la nature humaine. Réglons-nous le désir naturel de savoir, lequel doit être maintenu dans de justes bornes, il éloigne la paresse et s'applique surtout à empêcher que le désir de la science ne se tourne en curiosité.